Christian exige de Cyrano qu'il avoue toute la vérité à Roxane et il court au combat se faire tuer. Il meurt dans les bras de Roxane, lui laissant une dernière lettre écrite par son ami Cyrano. Mais Cyrano décide de garder le secret.